Demander de localiser quelqu'un ou quelque chose. Going down the list of examples. Où est Nicole? Où sont les ascenseurs? Où est-ce qu'il y a un téléphone? Pouvez-vous me dire où se trouve le parc Bois-Joli? Pouvez-vous me dire où est situé le parc Bois-Joli? Dans quel édifice est-ce que Marc travaille? À quel étage est-ce que Marc travaille? Sur quelle rue est-ce que Marc travaille? Elisabeth demeure bien à Sudbury? La rue Metcalfe, c'est bien en face du Parlement?